Vous tous qui croyez que Réanimation n'est uniquement qu'une émission radiophonique métal, eh bien, détrompez-vous. Réanimation est aussi une émission d'information d'intérêt généraux et public. La seule différence, que nous n'abordons pas ces aspects en ondes. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant qui ne disent mot, surtout lorsqu'il est question de votre diagnostic. Priez! Pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause Pendragon said so. Et cet homme s'appelle le Capitaine Scarlet.

Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 18 juin de l'an des disgrâces 2013. Je suis le Dr. Payne Pendragon et mon assistant, le visqueux, dégoulinant et malodorant Sinistrose. Ben oui. Ça fait pas mal slime, ton affaire. Hein? Ben, très slime. Mais t'as la couleur. Que... Oui, c'est un... D'ailleurs, je trouve que tu en as repris un peu de couleur. Ouais, je suis un peu plus gris foncé. Oui, c'est le soleil, hein? Oui. Ben, vas-y plus. Non, c'est trop dangereux pour ma peau, teint de... Ton teint de jeune fille. De jeune gobelin. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout les pustules qui ressortent qui sont un peu désagréables. Surtout quand elles... Parce qu'au soleil, ça éclate. Oui, c'est ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche et les mots M-A-U-X. Oui, c'est ça. Je savais que t'avais mal aux dents, c'est pour ça que... Ben, quelle dent? Ah, c'est vrai, je te disais tout le temps la semaine passée. Ouais. Et comment vas-tu? Ben, c'est pas pire. Et pourquoi? Ben, juste parce que je suis gris foncé. Il est impayable. Une bonne main d'applaudissement pour ce crétin congénital. Voilà, 19h20, un peu plus tôt qu'à l'habitude. C'est parce que le bloc d'entrée était plus court, mon ami. Bien oui. Parce qu'on a beaucoup de choses ce soir. Toujours trop de choses. Et tes jérémiades. Et mes jérémiades. Éternelles. Et oui, c'est ça, l'hippie. Notez que ce soir, lorsque cette émission sera terminée, il n'en restera que deux avant la pause estivale parce que nous... Terminons le 2, justement, le 2 juillet, pour revenir au mois d'août, dans la première semaine de août, dont j'oublie la date et qui, pour l'instant, n'est pas très importante. Nous voulons entendre la formation, en fait, non pas la formation, mais bien l'artiste Robert de Montigny. Oui. Oui, et la pièce Creeping Death. Oui. Mais c'est en fait une version que je connaissais pas de lui. C'est drôle, hein? Il y a un petit genre de vocal à la James Hetfield. Oui, tout à fait. Ben, c'est probablement parce qu'il prononçait les choses en anglais. Ah, c'est pour ça. Okay. Ça se confond. Et non, vous avez tous deviné qu'il s'agissait de... Megadeth. Metallica. Et la pièce Creeping Death qu'on retrouve sur le deuxième album de cette formation, Ride the Lightning, qui est paru en 1984 sur Elektra. Et déjà, après Ride the Lightning, présentement, on peut dire ça. À l'époque, on ne le savait pas. Mais présentement, on peut se dire, ça semblait déjà être la fin. après Master of Puppets, ben. Ouais. Juste auparavant, nous avions Celtic Frost et la pièce Gerald Throne que l'on retrouve sous To Megatherion, qui est paru en 1985 sur Bruit Record. Bruit. Noise. Bruit Disque. Oui. Voivod et la pièce Fix My Heart, qui est tiré de l'album The Outer Limits, qui est paru en 93 sur MCA. Et la surprise d'ouverture était une relance que je faisais envers Sinistros, puisque ces derniers, la semaine dernière, nous avaient passé Voivod et leur version de Batman, qui était excellente. Cette semaine, je passais Voivod avec la reprise de Captain Scarlet. C'est cool. Que l'on retrouve sur la compilation. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est quoi déjà? J'ai oublié de le marquer. C'est pas grave. Ça va me revenir tout à l'heure. En tout cas, c'est une compilation de 2000, qui était parée en 2000, effectivement, qui comportait uniquement des artistes et des formations qui reprenaient des thèmes d'émissions pour enfants, entre autres, à leur version, soit metal, soit rock, soit punk, ou pire que ça. Puis, pour ceux qui savent pas c'est qui Captain Scarlet, là, parce que c'est pas tout le monde qui connaisse... C'est pas de vos affaires. Ben non, il faut que je le dise, c'est un personnage de Jerry Sylvia Anderson de la fin des années 60. C'est une marionnette. C'est des marionnettes, les marionnettes géantes, là, qui étaient, à l'époque, ils appelaient ça super marionnation, à laquelle il y avait des expressions au niveau du visage, et ainsi de suite. C'était très, très futuriste. Et c'était un agent d'une agence spéciale, le Spectrum, qui combattait les Mystérons, qui étaient de vilains extraterrestres. Avec des fusées et compagnie. Oui, avec des maquettes absolument hallucinantes. Et j'avoue qu'encore aujourd'hui, je suis un grand fan du Captain Scarlet. Ah oui, c'est sûr. Ceci étant dit, ce soir, moi, je vous présenterai un peu plus tard deux albums, soit celui de Uncle Acid and the Deadbeat, soit l'album Mind Control, deux pièces retirées de cet album que je trouve vraiment délectable. Excellent. Et... petit concept qui tourne autour du le deuxième album de cette formation du New Wave of British Heavy Metal, c'est-à-dire Satan. Trois pièces du nouvel album qui vient de paraître, Life Sentence, mais je terminerai avec deux pièces du premier album. C'est bien. Puis tant qu'à toi... Ben, j'aurais trois présentations d'albums, dont deux que je vais refaire immédiatement, deux formations canadiennes, dont une qui vient de Québec et l'autre d'Ottawa. L'autre qui vient de Bulgarie. Oui, ça c'est plus tard, ça. Pas de Bulgarie, mais de Taïwan. Qui est une formation canadienne de Taïwan. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça, Canadienne-Taïwan, c'est ça? Canadienne-Taïwan, oui, c'est ça. OK, d'accord. Ils vendent des outils, là, je pense. Des quoi? Des outils. Des outils. Des outils. Ah, des outils, oui. Oui, c'est Taïwan Touti. Oui. One Touti, you clock, four clock, quack. Endless Horizon de Québec, avec un album de 2012 qui s'appelle Annihilation of Human Beliefs, qui seront en spectacle, je pense, au début juillet, ici même, au Rock Café Le Stage. Quel type de, quel genre de formation? C'est un black metal teinté de mélodique. Ça s'écoute assez bien. Une très bonne production. Ça sonne très Québec, là, comme son de band. On va entendre deux pièces de l'album, soit Dictator of Horrific Hordes et End of the Dream. Ça sera suivi de la formation d'Ottawa, Fumigation, qui donne dans un death metal relativement très brutal, avec un album qui s'appelle Integrated Pest Management. C'est sorti sur... Ouais, c'est cool. C'est sorti sur CDN Records. Il y a des titres comme Craniofacial Duplication et ça, j'aime bien ça. Flashlight Castration. Ça, je la trouve très, très drôle. Parce qu'on sait tous que la flashlight, c'est l'espèce de flashlight avec une espèce de vagin dedans. Ou ce que, ben là, c'est Flashlight Castration. Pourquoi pas, tu sais? Mais c'est un peu vulgaire, hein? Je trouve pas. Bah, je trouve ça drôle, moi. Non, moi, je trouve pas ça drôle. On passera pas ça. Ben, OK, on ne passera pas. Ben, OK, on va le passer pareil. Bon. Tu veux? Ben, je suis indiqué. Non, ben, c'est plus. Alors, voici tout de suite Endless Horizon avec Dictator of Horrific Hordes. Go!

19h43 maintenant. Ah,、oh, que ça change donc bien vite cette heure-là. J'allais dire 42, puis ça a changé. Il a dû te passer pour un 3. Ça passe vite le temps.、Hein? Non, non, c'est de la magie. Ah, OK. C'est de la magie, Sinistros. Ah, ah oui. Je pense qu'il va encore changer tantôt. Fumigation d'Ottawa avec les pièces Flashlight, Castration et Craniofacial Duplication. C'est tiré de l'album Integrated Pest Management.C'est paru en 2013 sur CDN Records. Ah,、oh, c'est cool. Oui, c'est très bon. Tout juste avant la pause, nous avons eu Endless Horizon de Québec avec les pièces End of Daydream et Dictator of Horrific Hordes. C'est tiré de l'album Annihilation of Human Beliefs de 2012 sur Mankind's Demise. Ils seront en spectacle au début du mois de juillet au Rock Café Le Stage avec Outlying. Voilà.Ce soir, moi, j'ai pas énormément de chroniques pour vous autres parce que j'ai absolument rien écouté. J'ai écouté seulement la radio AM. Hey, c'est... Ça marche encore, ça? C'est beau. Je sais, j'en ai aucune idée. Non, c'est vraiment une, sérieux, une question sérieuse.、Là. Ben, j'imagine que c'est une question sérieuse, mais je penserais pas avec, avec l'avènement des radios satellites et compagnie. Je sais que c'est les radios satellites? C'est une légende, ça existe pas, ça? Non, ça existe. Ben non, rien. Comme Internet. J'ai rêvé à ça. Non, j'ai pas écouté grand-chose cette semaine depuis l'émission de la semaine dernière. Oui, en fait, j'ai écouté quelque chose qui était sur quand même une trilogie, là. Mais j'en parlerai tout à l'heure, c'est au niveau du cinéma. Mais côté musical, j'ai pas écouté rien de particulier à part des vieux trucs. Fait que j'ai pas de chronique musique cette semaine. Ben, je parle proprement dit, mais j'ai des présentations, évidemment. Puis de ce pas, on va parler de la première de la soirée en ce qui me concerne, parce que c'est une formation qui m'a...bien accroché. Moi, c'est une formation que j'avais découvert avec le précédent album que j'avais grandement apprécié. Quand、okay. J'ai su qu'il en sortait un nouveau, ben, c'est pourquoi pas? On va jeter une oreille très attentive ben, et l'oreille est encore accrochée.、T'sais. Ben oui, c'est bien, c'est bien. Non, moi, honnêtement, je ne connaissais pas la formation jusqu'à ce que je vienne co-animer à Rock Classique et que、Alain me fasse, en fait, dans sa partie programmation, me fasse écouter encore assez de Dead Beats.J'ai dit, waouh, c'est vraiment bon, ça. Très donc, Beatles par moment. Beaucoup, vocal ben, dirais, à George Harrison. Beatles, et... je dirais bien plus Beach Boy, moi. Non. Ne redis jamais ça. Je dirais peut-être même plus les Oulops, les、oui. Sultans. Ben, plus les classés, là, un peu, là, tu sais. Ouais. Surtout dans le la-la-la-la-la. Oui, c'est dans le vocal, surtout, effectivement. Donc, encore assez de Dead Beats, l'album, la dernière parution porte le titre de Mind Control, c'est sur Rise Above.Et moi, je lui ai donné, je n'ai pas dit que c'était un album parfait, loin de là, mais j'ai donné un 8 facile sur 10. Oh, il mérite un peu plus. Ben, tout est pas assez généreux. Non, tout est pas assez réaliste. Non, mais toi, tu as dit que le dernier Megadeth était bon, faut que je le garde. Ça s'annule. J'ai pas dit que le dernier Megadeth était bon. J'ai dit que le dernier Megadeth était bon pour Megadeth. Ce qui est une nuance. Hein? T'entends-tu?J'ai dit que le dernier album, je ne l'avais pas aimé du tout, mais que l'avant-dernier Endgame, je l'avais trouvé correct. Donc, celui-là aussi, je l'ai trouvé correct. Puis, je ne m'en cache pas, c'est vrai, il y a des très bons riffs sur cet album-là. OK, tu le dis. Oui, je l'ai dit. C'est sûr, c'est moi qui viens de parler. Donc, Mind Control, moi, je donne un 8 facile. C'est un album, une formation qui donne dans un psychédélique Doom Metal, je dirais Doom Rock par moment, ou Hard, formation qui vient de Grande-Bretagne. Et...Je sais pas, mais il y a une magie dans cette musique-là qui accroche.、 Mm-hmm. Ben, ça fait très fin années 60, début 70 par moment. C'est oui, effectivement. Puis en même temps, c'est un son qui est comme sloppy. C'est une musique sans prétention. Ben, il y a certaines pièces, surtout vers la fin de l'album, où il y a des pièces un peu plus psychédéliques.、 Ouais. Ça m'a fait penser beaucoup à ce que George Harrison a fait.Même à la fin des Beatles, puis en début de carrière, là, tu sais, des longues pièces... Qui menaient à rien. Qui menaient à rien, finalement. Bon, moi, tant que tu ne notes pas de comparatif avec Yoko Ono, je suis correct. Non, Yoko Ono n'a pas rapport là-dedans. Non, puis il ne faudrait pas qu'elle ait rapport jamais. Je trouve qu'elle n'a jamais eu rapport tout court. Mais effectivement. Donc, on va se taper deux pièces de cet album Mind Control, soit Mind Crawler et Poison Apple. Voici Uncle Acid and the Dead Beats. Vous vous demandez où entendre les chroniques de Mathieu Plante cet été? Vous cherchez des segments à succès comme « C'est un fait ». Il n'a pas pris son bain depuis 37 ans. Et il est la personne qui sent le plus mauvais et la personne la plus sale à jamais avoir vécu. On le félicite. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Comme il dit souvent, similaire à « vu à la télé ouais. ». Ça, c'est la version ouais. cheap du vrai. De l'autre version cheap. Et Kinky Sexy Time. Tantôt, on parlait de quand t'aurais des relations sexuelles. Jean-Philippe les voit à l'avance, puis je vois sa face, puis c'est comme... Est-ce qu'il va le dire? Oui. Retrouvez les toutes et plus encore dans une nouvelle émission estivale. Assemblage requis à la plage, les jeudis de 14h à 18h. On rappelle les samedis à midi et les dimanches à 10h. Tout l'été, assez fou. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis, en passant par Les Ormés, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Chaque mercredi midi de l'été, s'intonise C'est fou pour ton dîner dans une bouteille. Ton dîner dans une bouteille, c'est un florilège des chroniques La bière de la semaine réalisée dans le cadre du Dîner de cons depuis 2011. Alors, si tu ne sais pas encore boire, écoute C'est fou le mercredi midi. En rediffusion les samedis, 11h. 89.1. C'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou avant tout le monde. 89.1. 19h58. Ah, tu vois, ça a bougé tantôt, c'était marqué 43. Ben, ça passe vite, hein. Bon. Juste avant cette pause publicitaire, c'était encore la scène de Dead Beats. Deux pièces tirées de l'album Mind Control, dernière apparition de cette formation qui donne dans un... psychédélique doom, stoner, hard... en fait, un amalgame de plusieurs trucs qui sont assez étonnants. Très influencé 70s. Oui, tout à fait. Et je pense sincèrement que Uncle Acid porte très bien son nom. Oh, que oui. C'était sur les pièces étant Poison Apple, respectivement la troisième pièce de l'album, et Mindcrawler, pardon, deuxième pièce de cet album, tirée respectivement de l'album Mind Control, qui est paru il y a pas longtemps, en 2013, sur Rise Above. Ceci étant dit... Sinistro, si tu nous amènes dans un sol un peu plus... Old school. Dit-il. Oui, dit-il en espagnol. Ah oui, c'est en espagnol que t'as dit ça. Ben, c'est drôle, j'ai rendu polyglotte, je te comprends. Ben moi aussi, je t'ai compris tout de suite quand t'as parlé de ça. Ouais, puis moi, en plus, je parlais en chinois. Eh ben c'est pas pire, moi j'ai compris de l'espagnol, tu sais, fait qu'on... on va avoir un petit spécial hardcore et teinté de crossover un peu également. Du bon stock old school pour nous faire branler... Quoi? Branler la tête. OK. Quoi? Le nez, cher docteur. on va avoir du Sick of It All, qui était en prestation au Rockfest Montebello cette fin de semaine. Ben, en tout cas, semble-t-il, ils étaient annoncés, je sais pas si... Oui, ils ont effectivement joué. D'accord. Nous aurons du Vision of Disorder, In Defense, Short, Sharp, Shock et Skin Fatter. Alors allons-y tout de suite avec la pièce titre de l'album Scratch the Surface. Voici Sick of It All à Réanimation. Ball!

20h14. Ça l'a encore changé. Ah, tout à l'heure, c'est 19h53. Parce que tu bosses, on fait des sauts dans le temps. Ah, c'est ça, les voyages dans le temps. Mais je peux-tu les faire à l'inverse? Jamais essayé. Parce que j'aimerais beaucoup me ramasser certains disquaires dans les années 70. Oui, il me semble que je me ferais une grosse provision. Oui, effectivement. Effectivement. Que venons-nous d'entendre? Petit bloc hardcore crossover. On a entendu formation américaine Skinfather avec la pièce Christ Disease. C'est tiré du mini-album Atheos qui est paru en 2012 sous étiquette indépendante. Nous avons eu SSS au Short Sharp Shock qui nous vient du Royaume-Uni avec la pièce Man Against Man tirée de Problems to the Answer. C'est paru en 2011 sur Earache Records. In Defense avec Reinventing Rob Halford. Sur l'excellent album Party Lines and Politics, paru en 2011 sur Profane Existence. Reinventing Rob Halford. Ben oui, s'il n'aurait pas été inventé, il aurait fallu le réinventer. Vision of Disorder avec un classique Suffer tiré du premier album Vision of Disorder paru en 1996 sur Roadrunner et un autre classique Sick of It All avec Scratch the Surface tiré de l'album éponyme de 1994 sur East West Records. C'est bien cela. Le vendredi 28 juin prochain à 18h au Foufouines Électriques, c'est la venue de Melekesh en compagnie de Vride, Light and Swords of Death et Rain of Lies. Il en coûtera 20$ et 23$ taxes incluses pour y assister. C'est tout. Pour ceux d'entre vous qui sont amateurs de classic rock, eh bien, le Festivois présente cette année, le 6 juillet prochain, l'événement de Led Zeppelin Experience qui mettra en vedette nul autre que l'authentique Jason Bonham. Oui, il fait tous les instruments. Tout en même temps. Oui. Non, en fait, il est fait un à la suite de l'autre. Il se promène sur le stage constamment. Donc, il fait un petit peu de percussion, un peu de guitare, un peu de basse, un peu de vocal. Puis, est-ce que vous connaissez la tune? Donc, Jason Bonham, qui est effectivement le fils de John Henry Bonham, le bûcheur de Led Zeppelin par excellence. Donc, c'est le 6 juillet, en cadre du Festival de Trois-Rivières, Led Zeppelin Experience. Maintenant, côté cinéma, laissez-moi vous parler de quelque chose que j'ai écouté à de nombreuses reprises et que j'ai réécouté cette fois-ci sur, je crois, une période de... Ben, en fait, j'ai dit 4 jours, là, mais c'est parce qu'il y a eu une journée où ce que je n'ai pas écouté du tout. C'est la trilogie de Godfather. C'est... Classique. Ah, classique parmi les classiques. Trilogie qui s'est commis sur, en fait, une période quand même étendue. On parle de 72 pour le premier volet, 74 pour le deuxième et 90 pour le troisième. Donc, c'est quand même passé de l'eau sous le pont avant que le troisième volet, le volet, la conclusion... Ils ont vieilli. Ben, non. Non, parce qu'ils ont voyagé dans le temps. Ah, c'est ça, OK. Les autres, ils ont compris comment reculer. Oui, c'est ça. Mais ils nous ont pas donné le truc. Non, je pense pas qu'ils nous le donnent. Ils sont blattes. Donc, c'est un film de... Ben, c'est une trilogie de Francis Ford Coppola et de Mario Puzzi qui met en vedette Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall et plusieurs autres, évidemment. Des grosses pointures. Oui, Robert De Niro fait le rôle du jeune Don Corleone à l'époque où il est arrivé. Il était immigrant d'Italie pour arriver en Amérique. Écoutez, c'est probablement, selon moi, c'est le meilleur film de gangster qui s'est fait. C'est du film, c'est une trilogie. C'est léché au corps de poil. C'est vraiment, là, tout est présent. Il n'y a pas de détails qui sont omis. Les acteurs sont tout simplement extraordinaires. Coppola, on s'entendra, c'est pas un deux de pique, mais même à l'époque, c'était pas quelqu'un qui avait une longue expérience au niveau du cinéma. Non, c'est sûr. Ça, c'est... Tu l'as ou tu l'as pas. Là, tout à fait. Et lui, il l'a. En fait, il l'a pour une bonne partie de sa filmographie parce que il y a des choses qui m'ont moins plu, évidemment. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Et je dois dire que Marlon Brando, là-dedans, qui est un... Écoute, je vais le dire comme je le pense. Marlon Brando, il est mort gros con et stupide, là. Hein? On le sait, là. À cette époque-là, il était déjà un peu sûr... Con et stupide. Il était sur un certain déclin. Ouais. Marlon Brando, ses belles années, là, c'est le jeune premier des années 40-50. Mmh. Bon. En 72, il avait déjà vieilli, mais il campait bien le personnage. Mais dans ça, il est absolument extraordinaire. Et je pense que... Il semble-t-il que c'était quelqu'un qui était assez dur à contrôler sur un plateau. C'est quelqu'un de très excentrique. Ouais, il était plate un peu. Il était très colérique. Ouais, ouais. Très, très colérique. Et puis, c'était quelqu'un qui n'était jamais en accord avec sa direction. Donc, ça devait être quelque chose de l'amener sur un plateau, mais ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense que vraiment, il y a deux acteurs qui sont vraiment, qui priment, qui crèvent l'écran. C'est bien sûr Al Pacino qui a le plus grand rôle dans la trilogie, mais aussi Robert Duvall qui est excellent dans le rôle de Tom Haggins, qui est le demi-frère de la famille Corleone et qui est aussi au début le conciliateur et après ça l'avocat. Ce sont deux figures qui sont extraordinaires. La trilogie est vraiment géniale. Écoute, c'est plus de 8 heures de film. Bref, bout à bout. Je tape ça, ce serait bon. C'est, en fait, c'est 8h30 de film au total. Imagine-toi. Ouais. Et, t'en écoutes un par jour, là, c'est correct, là, parce que la deuxième partie dure plus de 3 heures. Et plusieurs ont dit que la deuxième partie était possiblement la plus, je dirais, moche des trois, et c'est complètement faux. Faut la revoir. C'est un élément clé dans cette trilogie-là. Et c'est excessivement bien mené. Et, écoute, c'est un film qui comporte quand même une certaine dose de violence. Oui, là, ça qui... oui effectivement. Quand il se réveille avec la tête de cheval dans le lit. Oui, dans le premier, ça, effectivement. C'est très habilement mené. Le Godfather trilogie, moi, je vous le conseille énormément. Si vous ne connaissez pas ça, précipitez-vous pour aller le louer. Précipitez-vous mieux pour aller l'acheter. Assoyez-vous avec ce que ça vous prend, votre popcorn, votre breuvage, tout ce que vous voulez, puis assoyez-vous et écoutez ça. Vous allez avoir a good time. Ceci étant dit, c'est ma deuxième présentation de la, j'allais dire de la semaine. Ben oui, c'est de la semaine aussi, hein? Il s'agit du dernier album de formation britannique, Satan. Formation qui a vu le jour en 1982, je crois. 1983, faudrait que je le vérifie. Mais ils ont changé de nom. Ben en fait, ils s'étaient fait grandement conseiller de changer de nom parce qu'à l'époque, le mot Satan était encore trop fort, même pour un band metal. Ils avaient changé pour Blind Furies. Mais le band a complètement tombé en déroute. Ouais. Le premier album est excellent. Le band a tombé en déroute. Il y a 26 ans, je crois, ou 27 ans, il y a eu un espèce d'album live qui est sorti. Mais il n'y a plus jamais rien eu. Et en 2013, ils reviennent avec le même concept, le même nom, Satan. Un peu comme Elle ont fait, dans le fond. Si on veut. C'est un groupe qui a eu beaucoup d'influence à l'époque. En 1983 avec le premier album Court in the Act. Et je crois que Life Sentence est tout aussi de qualité que Court in the Act. Très, très bon, très, très bon. Très bon. C'est un heavy speed metal. Oh, ouais. Mais mélodique. C'est pas pire parce que le vocal n'est pas achalant. Non, et le vocal est exactement le même qu'à l'époque. Donc, pratiquement 30 ans plus tard, si on veut, le vocal est le même, le band sonne la même chose. Le concept de l'album est le même, c'est le même personnage, l'espèce de juge undead qui est sur la couverture. Belle pochette d'ailleurs, je dois dire. Donc, on présente 3 pièces ce soir de Life Sentence, soit 2025, Cenotaph, pardon, et Sage Mentality. Et on va conclure ce bloc de 3 pièces du nouvel album de Satan par 2 pièces du premier album, la première et la deuxième, soit Trial by Fire et Blade of Steel. Voici Satan. So it came.

Dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Blanc. Hey, je meurs-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été à C'est fou. Hey Mathieu, c'est-tu correct? Ouais! L'équipe du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. La radio autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. h 49, bientôt 50. Wow, qu'est-ce que c'était bon, Satan. Excellent. Ah, puis je sais que tu connais, t'as écouté le deuxième album, mais t'étais pas familier avec le premier. Ben non, je connaissais pas du tout. Je me rappelle pas que, à l'époque que ça soit sorti. Puis je pense que t'as bien apprécié. Oh, c'est très très bon. Ah, c'est vraiment excellent. Une formation qui, bon, je vais faire rectifier certaines informations tout à l'heure qui me semblent avoir été erronées de ma part. La formation, en fait, c'est formé en 1979. C'est une formation qui vient de Newcastle, United Kingdom. Et le premier album est effectivement Court in the Act, qui est paru en 83, qu'on vient d'entendre. Deux pièces, donc je vais faire la nomenclature un peu plus précisément dans quelques instants. Il y a eu un deuxième album, 1987, qui s'appelait Suspended Sentence, que je ne connais pas. C'est après ça, en 2000, qu'il y a eu le premier live album qui portait le nom de Blitzkrieg in Holland. Et en 2004, un autre live album, Live in the Act. Il y a des compilations sur lesquelles sont apparues en 2011. Deux compilations, soit Into the Fire, Kiss of Death et The Early Demos. Le dernier album est de 2013. Donc, il y a exactement 30 ans qui les séparent entre le premier et le dernier album. Et si je sais bien compter, entre 1987 et 2013, ben moi, je dirais 25 ans. Et tu comptes donc très bien. Oui, hein? Donc, ça peut être un groupe qui était très actif au niveau du studio, de l'enregistrement, mais on voit qu'ils se sont très bien rattrapés. Donc, on a entendu, à l'instant, avant la pause publicitaire, deux pièces tirées, en fait, je veux dire trois en incluant l'introduction, trois pièces tirées du premier album, Court in the Act, qui est paru en 83 sur Neat Records, soit Blades of Steel, Trial by Fire et l'introduction Into the Fire. C'était précédé des trois pièces suivantes tirées de Life Sentence, dernière parution sur Listenable Record, soit Sage Mentality, Cenotaph et 2025, qui sont respectivement la deuxième, la troisième et la quatrième pièce de cet excellent album. Et avis aux amateurs, ils sont disponibles tous les deux en vinyle, mais il y en a un qu'il faut être patient. Ceci étant dit, à la semaine prochaine. Parce que le reste, ça vaut pas la peine. Et on s'en fout. Oui. Ben, moi, en tout cas, je m'en irais, moi. Ben, oh, on s'en va. J'ai le goût d'aller manger la crème glacée. Ah, ouais. Ouais. Mmh. C'est une bonne idée, hein? Non, j'étais justement spécial tantôt. Ah, bon. À la semaine prochaine. Salut! Bon. Oui, on va attendre un petit peu. Ben oui. 20h52. Ah, ben, je vais encore me faire jouer un tour parce que dans 3 secondes, ça sera 53. Même pas, c'est là. Tu fais avoir vers le clepsydre aujourd'hui. Oui, effectivement. Je fais la dyslexie d'horloge. Qu'est-ce que tu nous proposes comme présentation? Formation de Taïwan qui s'appelle Tonic, dont j'avais apprécié le précédent album qui s'appelait Takasago Army, qui était excellent, qui était paru en 2011. Ils viennent d'en sortir un nouveau qui s'appelle Biotic. C'est du métal de boutique, là. Oui, mais ça signifie quoi, tu sais? J'ai aucune idée. C'est paru en 2013 sur Spine Farm Records. On va entendre quatre pièces de l'album. Ça, c'est intéressant, ce groupe-là, parce qu'ils font un genre de, pas black metal, mais tu sais, trash noir, mais avec les influences de leur pays. Donc, ils rajoutent des instruments traditionnels de leur pays avec comme le koto et ces choses là ben je peux pas te dire c'est quoi le nom de l'instrument là, ben un koto c'est un instrument à cordes de... possiblement vu qu'ils viennent de Taïwan, donc j'imagine qu'ils ont koto plus japonais, excuse-moi, plus japonais, bon, ouais. C'est ça, mais t'as la culture très très asiatique, là-dedans avec, tu sais, eux autres, ils jouaient avec des quarts de thon, puis des. C'était assez spécial. Et des quarts de livre. Non, les quarts de livre, c'est les Américains. Ah, c'est vrai. Ouais, ça mais même moi, j'embarque là-dedans. Ouais, mais nous autres, on est moins pire qu'eux autres. T'sais, eux autres, c'est un quart de livre, c'est trois quarts de tonne pour nous autres. Là, trois quarts de tonne. Alors, sans plus tarder, voici la pièce Supreme Pain for the Tyrant. Voici Tonic à réanimation. Go! Follow the sun. Taïwan, min sok tsugi. Just stay in my walking path. Easy on me. du journal Zone Campus remercie Télécommunications Xitel de Trois-Rivières, grâce à qui vous aurez maintenant accès au journal directement en ligne. Merci à Xitel, fournisseur de services Internet haute vitesse et de téléphonie IP dans plus de 250 communautés du Québec. Xitel, allez plus loin. Chères auditrices et auditeurs, C'est Fou 89.1 FM vous présente ce message d'intérêt public. Bonjour, mon nom est Gustave et je dois faire une confession. J'adore l'émission Brancher le Monde, diffusée tous les jeudis midi sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Quand je pense qu'en une heure, je peux écouter la musique et l'actualité internationale, mais quel voyage extraordinaire! Depuis 6 ans, La Barrique est un magasin de bière situé à Trois-Rivières où vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasserie québécoise, des bières importées de différents brasseurs et brasseries du monde entier, un choix de cidre de pomme, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils sauront vous guider dans vos choix et votre désir de découvrir. La Barrique, 4170 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas Rock de Neurones les lundis 20h. Assez fou, les extrêmes de nos amis. C-F-O-U 89-1. Eh bien, mes amis, vous en manquez des solides. Vous en manquez. on était sur un gros buzz Bobino. Flashback, mais peut-être des auditeurs, là, si on a encore des auditeurs là, qui sont trop jeunes pour avoir connu Bobino. Hein. Ben, peut-être. Il y en a peut-être des quelques vieux qui ont connu. Levez la main ceux qui ont connu Bobino. Ben, moi, je suis certain que notre ami Dominique, il connaît Bobino. D'ailleurs, on le salue. Peut-être même que Jeff aussi connaît. Ben oui, c'est sûr qu'il connaît Bobino. On a une grosse discussion au côté du général, garde à vous. Aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, à tous ceux qui ont connu Bobino, we salute you. Oui. Tonic, avec le nouvel album Boutique, qui est sorti en 2013 sur Spine Farms, il y a sur quelques semaines. On a entendu les pièces Rage of My Sword, Next Republic, Sail into the Sunset Fire et Supreme Pain for the Tyrant. Tonic, qui ont d'ailleurs un look assez particulier. Oh, c'est cool. Ils viennent de Taïwan. C'est assez... Avec un qui porte une espèce de pseudo masque à gaz cafandre. Non, c'est le fun. C'est drôle. Ben, moi, je voudrais pas le porter. Album légèrement moins bon que le précédent, mais ça reste encore, ça fait très, très bonne, très bonne job. Ben, c'est pas mon genre. C'est un style. Tu sais, moi, ça a quand même encore un petit tendance trop black metal. Oui, il y a un petit côté black. Ouais. Petit côté black. Et jamais je n'aimerais ça, je pense, décidément. Bon, j'aurais probablement eu à aimer ça si ça avait été le cas déjà, là, il me semble. Hein? Oui, c'est vrai que je suis pas trop une référence. Non, hein, c'est pas vraiment. Non. Par contre, pour Bobino, j'en suis... Ah oui, ça, regarde. on peut pas t'avoir dans la vie. Non. Mais je préfère avoir Bobino plutôt que le black metal, entre toi et moi. Ben, moi aussi, finalement. Bobino était pas mal plus... pas mal plus dark. Oui. Non, gris. Il était gris. Ouais, mon général. OK, c'est correct. Bon, il est 21h16. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. Et Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM, votre radio campus, ici même à Trois-Rivières. Et moi, là, il faut que je conclue ça avec du death metal. Hein? Ouais, pour effacer un peu le black. Ben, au moins pour l'amoindrir. Quand on était jeunes, nous autres, on avait mis les speakers à l'école, il y avait des poubelles en saut. Fait quand on mettait la musique, on décrassait les speakers de toute la mauvaise musique qu'il y avait pour ça avant nous autres. Ah ben oui, effectivement. Une bonne idée. Donc, mais c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu se tirer dans le pied de dire qu'on a passé de la mauvaise musique avant. Ouais, mais là. Bref, allons-y avec une des formations black metal. Qui, ah, tu mets du black? Non, death metal. Pardon. Qui sont, je l'espère, connus de tous, ou du moins depuis un certain nombre de semaines qu'ils le sont connus. On va entendre Immolation, Nile, Aid, que t'as passé la semaine dernière. Oui. Et on va débuter tout de suite avec Behemoth et Rome 65C, suivi de Slaying the Prophet of Isar. Go! savoir tout ce qui se passe en Mauricie cet été, écoutez La Vie en Mauve les mercredis 18h. Chaque lundi, Un genre de bleu vous propose d'écouter les plus belles œuvres de certaines des plus grandes légendes du jazz et du blues, ainsi que les meilleurs musiciens de la scène actuelle. Un genre de bleu, c'est une mosaïque de ce monde de musique, de talents et de légendes qui vous offre un survol de tous ces styles qui constituent ce grand mouvement. Un genre de bleu, les lundis de 18h à 20h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. En rediffusion les mercredis 15h et les dimanches 14h. Du 18 mars au 1er juillet 2013, participez au concours de photos Vue d'en haut. Mettez-vous dans la peau d'un photographe et immortalisez un des nombreux plans d'eau du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Soumettez vos 4 meilleurs clichés par catégorie et courez la chance de gagner de nombreux prix en argent ainsi que des certificats cadeaux, forfaits et bons d'achat valides entre autres chez Maïka Aventure, Parc de l'île Saint-Quentin, Parc de l'île Melville, Tremblay Photo et le Musée québécois de culture populaire. Pour plus de détails et informations, visitez le bvsm.ca. Le concours de photos Vue d'en haut 2013 est une présentation de Projet Eau Bleue RBC et BVSM. Ici Jean-Philippe Charbonneau. Cette année, j'ai eu le privilège de partager la co-animation d'Assemblage requis avec l'honorable et le distingué Mathieu Plante. Hey, je meurs-tu assez épais, Mathieu? Ouais! Aucun outil requis est l'occasion de retourner en arrière afin d'écouter des chroniques que vous avez peut-être manquées. Aucun outil requis, mercredi à 13h et samedi 10h, tout l'été à C'est Fou. Hey Mathieu, c'est-tu correct? Ouais! C'est Fou avant tout le monde. 89.1. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Mais l'émission tire à sa fin. Eh oui. Et avant cette pause publicitaire, ben en fait, je devais vous passer du Nile, mais ça ne fonctionnait pas, donc j'ai pris un pneu de secours. Voilà. Oui. Donc, avant la pause publicitaire, on a entendu The Vampire from Nazareth, puis à l'ouverture de l'album The Great Mass, des excellents Septic Flesh, qui est paru en 1911. Ça fait longtemps. Hein? Ouais, ça passe tellement vite. En 2011, bien entendu. Ils sont dû pour en sortir un autre. Oui. Après 102 ans, ils seraient dû, effectivement. Non, mais c'est ça. T'as 102 ans pour en composer un, finalement. T'es supposé sortir un album de qualité. Là, t'as plus de... T'as plus d'excuses. Effectivement. Juste auparavant, nous avions Molation et la pièce titre de l'album Majesty and Decay. Vous auriez tous deviné qu'il s'agissait de Majesty and Decay, j'imagine. Ah, oui. Ah, OK. J'ai bien fait de le spécifier. C'est paru en 2010 sur Nuclear Blast. Nous avions Haid, formation, excellente formation italienne qui donne dans un death metal conceptuel. L'album Spartacus et la pièce 6000 Crosses qui est paru en 2013 sur Blast Head Record. Et ça rentre. Oh, ça rentre en titi. Ouais. Et nous avions ouvert avec Behemoth et la pièce Rome 65C et Slaying the Prophets of Isa, qui est paru, en fait, c'est l'ouverture de l'album de 2007, The Apostasy, sur l'étiquette Regan Record. La semaine prochaine, personnellement, je n'ai pas l'intention de faire quelque chose de trop farfelu. Je ne sais pas encore, mais j'ai le temps de changer d'idée. Il nous reste encore une semaine avant la semaine prochaine. Hein? Peut-être un petit survol sur le nouvel album de Blood Ceremony, qui est quand même très excellent. C'est une bonne idée, effectivement, oui. Tout à fait. Pour aller dans quelque chose d'un peu plus mollo. D'accord. Moi, j'irais peut-être avec une entrée d'émission avec un bloc heavy metal. Ah, oh, c'est correct. Ouais. Sur ce, nous allons vous laisser avec deux pièces. Pourquoi la dernière intervention? C'est que la dernière pièce est relativement longue, donc j'ai laissé à Sinistrose le soin de présenter son premier choix de la fin de soirée. Eh bien, nous terminerons avec Legion of the Damned, avec la pièce Obsessed by the Grave, qui est tirée de Feel the Blade de 2008 sur Massacre Records. Feel the Blade, qui est dans le fond une nouvelle version de Elegy of the Week. Lorsque le band s'appelait Occult, l'album a été réenregistré et réorganisé. Mais ils ont été chanceux de pouvoir récupérer du stock, eux autres, Ben, j'imagine que oui. Hein, ah, ben, écoute, c'est correct aussi. Là, mais parce que Occult ont eu quand même 5 ou 6 albums. Fait que si on compte. Ah, tant que ça? Oui, oui, tant que ça. Je pensais 2 à 3. Non, non, non, non, c'est 5, okay. Peut-être même 7 albums. Ah, oui, ouais, ouais, ils en ont eu beaucoup. Puis sur Legend of the Damned, ben, ils vont sortir leur sixième album. Ah, ben, ça fait quand même une discographie appréciable. Ben, en tant que band, c'est toute la même band, c'est tous les mêmes membres. Oui, ben, à part le dernier ben, guitariste. Le guitariste là, ouais, est parti, là. C'est un groupe qui run au moins depuis 1990-91, facile, là. Mm-hmm. Oui, c'est pas des genoux, là. Non, effectivement, ce ne sont pas des genoux. On le voit bien d'après leur faciès. Et tant qu'à moi, je conclurai l'émission, et pour une fois, c'est moi qui conclue. Ben oui. C'est assez rare, hein? Avec une pièce de la formation Hope F, tirée du très bon album, Blackwater Park de 2001, c'est-à-dire Bleak, une pièce de 9 minutes 16 secondes. Ben, donc, tout d'abord. Ben, oui, ok, c'est cool. Mais non, faut pas être même poli. J'ai décidé que cette formule-là était totalement. C'est terminé. C'est prescrit, ça, maintenant. Okay. C'est proscrit. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour une avant-dernière édition de réanimation avant la pause estivale. Et sur ça, les tous vous faire foot. Legend of the Damned, go! Go!